Cette peau, quand on la porta, terriblement l'épouvanta, et la fit, de son sort, amèrement se plaindre. Sa marraine survint, et lui représenta que quand on fait le bien, on ne doit jamais craindre, qu'il faut laisser penser au roi qu'elle est tout à fait disposée à subir avec lui la conjugale loi. Mais qu'au même moment, seule et bien déguisée, il faut qu'elle s'en aille, en quelque état lointain, pour éviter un mal, si proche et si certain. Voici, poursuivit-elle, une grande cassette où nous mettrons tous vos habits, votre miroir, votre toilette, vos diamants et vos rubis. Je vous donne encore ma baguette. En la tenant dans votre main, la cassette suivra votre même chemin, toujours, sous la terre cachée. Et lorsque vous voudrez l'ouvrir, à peine mon bâton, la terre aura touché, qu'aussitôt, à vos yeux, elle viendra s'offrir. Pour vous rendre méconnaissable, la dépouille de l'âne est un masque admirable. Cachez-vous bien dans cette peau. On ne croira jamais, tant elle est effroyable, qu'elle renferme rien de beau.